Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même connaître, ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. 8e épisode. Marie-Aude et Jacques sont les derniers à qui j'ai parlé de ce livre. Contrairement à celui de Patrice, leur deuil m'intimide. Je craignais, en les questionnant, de réveiller leur chagrin, ce qui est absurde, car ils ne dorment jamais, et le temps ne l'apaisera pas. J'ai attendu d'avoir presque fini ce travail pour, en même temps, les en informer et leur demander d'y concourir, en me racontant ce qu'ils sont les mieux placés pour raconter. La première maladie de Juliette. Juliette avait 16 ans. Elle entrait en première quand elle a montré à sa mère une grosse boule au cou qui lui faisait mal. On l'a aussitôt emmenée à l'hôpital Cochin, puis dans un centre de radiothérapie où a été diagnostiquée une maladie de Hodgkin. Juliette a subi une radiothérapie, traitement moins lourd que la chimiothérapie et qui ne fait pas tomber les cheveux. Au bout de quelques mois, on l'a considérée comme guérie. Elle a repris la danse, les cours, participé à un défilé de mode. On ne parlait plus de sa maladie. Du reste, on en avait à peine parlé. Antoine, le frère de Juliette, qui avait 14 ans à l'époque, n'a jamais entendu le mot cancer. L'été suivant, en Bretagne, elle a commencé à trébucher et à perdre l'équilibre. Elle, d'habitude si vive, on la trouvait mal lunée, pas en train. En fait, elle essayait de cacher, et surtout de se cacher à elle-même, que ses jambes la portaient de plus en plus mal. On lui a fait pas moins de 3 ponctions lombaires dont elle devait garder un souvenir atroce. On craignait une sclérose en plaques. Enfin, un neurologue de l'hôpital Cochin nous a dit la vérité. Elle avait une lésion qui remontait à la radiothérapie. En comptant les vertèbres pour dégager la partie de son dos qui devait être exposée aux rayons, on avait dû se tromper et superposer 2 champs d'irradiation. La moelle épinière dans la zone 2 fois trop irradiée s'était endommagée. Du coup, l'influx nerveux passait mal dans les jambes dont elle était en train de perdre l'usage. À 18 ans, cette fille ravissante et sportive a dû admettre qu'elle ne marcherait jamais plus comme tout le monde. Une de ses jambes resterait presque inerte et l'autre complètement. Elle les traînerait en s'appuyant sur des béquilles. Elle ne pourrait pas les écarter quand elle ferait l'amour pour la première fois. Il faudrait qu'on l'aide, comme on l'aidait pour sortir de la baignoire ou pour monter un escalier. Dans un des textes lus à son enterrement, quelqu'un a relié sa vocation pour la justice à l'injustice qu'elle avait subie. La scène se passe dans le bureau d'Étienne à 6 heures du soir, quelques mois après leur rencontre. Tous deux ont eu une lourde journée. Ils auraient dû rentrer directement, lui à Lyon, elle à Rosiers. Mais Juliette sait déjà qu'Étienne, avant de fermer boutique, aime rester un moment assis dans son fauteuil, les yeux fermés, sans bouger. Il ne pense pas spécialement au travail accompli, ni à celui qui l'attend, ou s'il y pense, c'est sans y mettre de volonté, sans s'y attarder. Il suit ce qui lui traverse la tête, laisse flotter, ne juge pas. Elle aime, elle, le rejoindre à ce moment-là. Et lui, qui jusqu'alors préférait le goûter seul, attend avec plaisir ses visites. Ils parlent ou ne parlent pas. Cela ne leur pose pas de problème de rester silencieux ensemble. Dès qu'elle entre ce soir-là et s'assied en croisant ses béquilles contre la coudoir du fauteuil, il sent que ça ne va pas. Elle dit que non, ça va. Il la presse. Elle finit par lui raconter un incident survenu dans l'après-midi. Un incident, c'est trop dire. Une petite tension, mais qu'elle a ressentie de façon pénible. Elle a demandé à un huissier d'aller lui chercher ses dossiers dans sa voiture. Et l'autre y est allé en soupirant. C'est tout. Il n'a rien dit, juste soupiré. Mais en soupirant, il disait, en tout cas Juliette a entendu, que ça l'énervait d'être obligée de lui rendre service parce qu'elle était handicapée. Pourtant, dit-elle, je fais vraiment attention à ne pas abuser. Étienne l'interrompt. Tu as tort. Tu devrais abuser davantage. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, ne pas s'emmerder la vie en jouant le handicapé qui fait comme s'il n'était pas handicapé. Il faut être clair avec ça, considérer que les gens te doivent ces petits services. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils te les doivent, et la plupart du temps, ils sont bien contents de te les rendre parce qu'ils sont bien contents de n'être pas à ta place. Et que te rendre service leur rappelle à quel point ils en sont contents. On ne peut pas leur en vouloir. Si on commençait, on n'en finirait pas. Mais c'est la vérité. Elle sourit, amusée comme souvent par sa véhémence. On pourrait s'en tenir là, mais ce soir, il ne veut pas s'en tenir là. Et il ajoute... Tu en as marre, hein ? Elle hausse les épaules. Moi aussi, j'en ai marre. Et quand il me raconte cette scène, il le répète. J'en ai marre. Puis il m'explique... C'est une phrase très simple, mais extrêmement importante. Parce que c'est une phrase qu'on s'interdit. On s'interdit non seulement de la prononcer, mais autant que possible de la penser. Parce que si on commence à penser « j'en ai marre », on se retrouve assez vite à penser « ce n'est pas juste » et « je pourrais avoir une autre vie ». Or, ces pensées-là sont insupportables. Si on commence à se dire que la vie pourrait être différente, qu'on pourrait courir comme tout le monde pour attraper le métro ou jouer au tennis avec ses enfants, la vie est pourrie. Ce sont des pensées qui ne mènent à rien. Il n'empêche que ce sont des pensées qui existent et que cela ne fait pas de bien non plus d'employer toute son énergie à faire comme si elles n'existaient pas. C'est compliqué de s'accommoder de ces pensées-là. Quelquefois, je me laisse aller devant Nathalie. Je lâche que j'en ai marre. Que je trouve ça trop dur et trop injuste d'avoir une jambe en plastique, que j'ai envie d'en chialer. Et je chiale. Ça sort quand la pression est trop forte, tous les 3 ou 4 ans. Ensuite, c'est bon jusqu'à la prochaine fois. Et toi, tu le dis quelquefois à Patrice ? Quelquefois. Et tu pleures ? C'est arrivé. Tandis qu'ils échangent ces paroles, les larmes commencent à couler sur leurs joues à tous deux. Elles coulent sans honte, sans retenue, il y a même de la joie à les verser. Car pouvoir dire « c'est dur, ce n'est pas juste, on en a marre », sans craindre que l'interlocuteur se sente coupable, pouvoir le dire en étant sûr, ce sont les mots d'Étienne, que l'autre entend ce qu'on a dit tel qu'on l'a dit, rien de plus, qu'il ne projette rien dessus, c'est une joie immense, un soulagement immense. Alors ils continuent. Ils savent ou ils devinent que cet abandon-là n'aura lieu qu'une fois, qu'ils ne se l'accorderont plus, sans quoi il deviendrait une complaisance. Mais ce soir, ils s'y laissent aller. Moi, quand je suis au cabinet, je compte des points de tennis. Je les visualise. Je n'ai plus joué au tennis depuis 20 ans, mais dans ma tête, j'y joue encore. Et je sais que ça me manquera jusqu'à la fin. Moi, c'est la danse. J'adorais danser. J'ai dansé jusqu'à 17 ans. Ça ne fait pas beaucoup. Et à 17 ans, j'ai su que je ne danserais plus jamais. Le mois dernier, le frère de Patrice s'est marié. Je regardais les autres danser et ça me faisait envie à en crever. Je souriais, je les aimais, j'étais heureuse d'être là. Mais à un moment, ils ont passé un truc qu'on passait tout le temps quand j'avais mes jambes. YMCA. Tu te rappelles ? YMCA. Je crois que j'aurais donné 10 ans de ma vie pour danser là-dessus les 5 minutes que dure cette chanson. Plus tard, elle dit plus gravement. En même temps, si ça ne m'était pas arrivé... Je n'aurais peut-être pas connu Patrice. Certainement pas. Je ne l'aurais même pas vu, si ça se trouve. J'aurais aimé un tout autre genre d'homme, plus brillant, plus conquérant. Le genre qui me correspondait sur le marché parce que j'étais jolie et brillante. Je ne dis pas que l'infirmité m'a rendue plus intelligente et profonde, mais c'est grâce à elle que je suis avec Patrice. C'est grâce à elle qu'il y a les petites. Et là, c'est le contraire du regret. C'est le contraire de l'amertume. Il ne se passe pas un jour sans que je me dise « j'ai l'amour ». Tout le monde court après. Moi, je ne peux pas courir, mais je l'ai. J'aime cette vie. J'aime ma vie. Je l'aime totalement. Tu comprends ? Au moment où Juliette prit son poste à l'instance, la jurisprudence imposée par Étienne et Florès se durcissait. Les établissements de crédit, mécontents qu'une poignée de juges de gauche soutiennent systématiquement contre eux les emprunteurs défaillants, faisaient appel. Les affaires se retrouvaient devant la Cour de cassation. Or, non moins systématiquement, la Cour de cassation, qui est par vocation de droite, s'est mise à infirmer les jugements en instance. Pour cela, la Cour de cassation usait de deux armes. Et c'est ici que, pardon, il va falloir être un petit peu technique. La première arme s'appelle le délai de forclusion. La loi dit que le créancier doit agir dans les deux ans suivant le premier incident de paiement, faute de quoi c'est forclos et on l'envoie promener. L'idée est de l'empêcher de surgir au bout de 10 ans pour réclamer des sommes énormes qu'il aurait laissé s'accumuler sans jamais rappeler son débiteur à l'ordre. Cette mesure protège le débiteur, c'est certain. Maintenant, ce qui ajoute la Cour de cassation, c'est qu'il faut être équilibré et que la même contrainte doit s'appliquer aux deux parties. Le débiteur a donc 2 ans, lui aussi, pour contester la régularité de son contrat après qu'il l'a signé. Au bout de 2 ans, c'est fini. Il n'a plus le droit de s'en plaindre. Il suffit donc au créancier d'attendre tranquillement 2 ans pour attaquer, en étant sûr que même s'il est bourré de clauses abusives, personne ne pourra plus dire un mot contre son contrat. De plus, la Cour de cassation, dans un arrêt qui tombe au printemps 2000, dit que le juge ne peut pas relever d'office, c'est-à-dire de sa propre initiative, un manquement à la loi. On reconnaît la théorie libérale. On n'a pas plus de droits que celui qu'on réclame. Pour réparer un tort, il faut que celui qui l'a subi s'en plaigne. L'office du juge, c'est l'office du juge. Il n'a pas à se mêler de ce qui ne le regarde pas. S'il est scandalisé, il doit le rester en son fort intérieur. Les établissements de crédit pavoisaient. Un jour d'octobre 2000, Étienne, dans son bureau, parcourt des revues juridiques. Il tombe sur un arrêt commenté de la Cour de justice des communautés européennes, qu'il commence à lire distraitement, puis de plus en plus attentivement. L'histoire, c'est un contrat de crédit à la consommation prévoyant que tout litige sera porté devant le tribunal de Barcelone ou l'organisme de crédit à son siège. Parce que l'organisme de crédit à son siège à Barcelone, ce serait au consommateur qui habite Madrid ou Séville de faire le voyage pour se défendre. La clause est abusive, cela saute aux yeux du juge de Barcelone qui la dénonce. Mais en Espagne, non plus, il n'a pas le droit de le faire d'office. Alors il saisit la Cour de justice des communautés européennes. La Cour rend son arrêt, Étienne lit cet arrêt. Avant même d'avoir fini, il se lève et descend au rez-de-chaussée. Il entre dans la petite salle jouxtant la grande, où Juliette est en train de siéger, ouvre la porte de séparation et lui fait signe de venir. Juliette, comme une actrice qu'on hèlerait de la coulisse en pleine représentation, ne comprend pas, veut l'ignorer, mais il insiste. Au grand étonnement de la greffière, de l'huissier, des parties qui s'opposent sur une affaire de sanibroyeur défectueux, Juliette suspend l'audience, empoigne ses béquilles, clopine jusqu'à la petite salle où l'attend Étienne. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde ça. Quant à la question de savoir si un tribunal saisi d'un litige relatif à un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur peut apprécier d'office le caractère abusif d'une clause de ce contrat, il convient de rappeler que le système de protection mis en œuvre par la directive européenne repose sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information. L'objectif poursuivi par la directive, qui impose aux États membres de prévoir que des clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers se trouvaient dans l'obligation d'en soulever eux-mêmes le caractère abusif. Il s'ensuit qu'une protection efficace du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause. Depuis des mois, Étienne et Juliette essuyaient défaite sur défaite. Ils étaient sur le point de s'avouer vaincus. Et voilà qu'Étienne trouvait la botte secrète qui allait changer le cours de la bataille. Non seulement la Cour de justice des communautés européennes dit le contraire de la Cour de cassation, mais elle a le pas sur elle, le droit communautaire ayant une valeur supérieure au droit national. Suivent quelques jours de fièvre, de coups de téléphone et de mails avec Florès, mais aussi avec un professeur de droit communautaire, Bernadette Lebeau-Ferrarez, qui, consulté, se passionne pour la question. La réponse de la CJCE, selon elle, n'est pas acquise. Mais cela vaut la peine d'essayer. Depuis quelques mois s'empilent sur son bureau des dossiers relatifs à un contrat proposé par notre vieille connaissance, la COFIDIS, et joliment appelé « Libre à vous ». Ce contrat « Libre à vous » pourrait être étudié à l'école comme exemple de flirt poussé avec l'arnaque. C'est présenté comme une demande gratuite de réserve d'argent, avec le mot « gratuite » imprimé en très gros. Le taux d'intérêt figure, lui, en tout petit caractère au verso, et il est de 17,92%, ce qui, avec les pénalités, est supérieur au taux d'usure. Dans la pile, Étienne choisit au hasard le dossier où encapsuler sa petite bombe. COFIDIS SA contre Jean-Louis Fredoux. Ce n'est pas une grosse affaire. COFIDIS réclame 16 310 francs, dont 11 398 de capital, le reste en intérêts et pénalités. À l'audience, Monsieur Fredoux est absent, il n'a pas d'avocat. Celui de la COFIDIS, en revanche, est un grognard du barreau de Vienne, un vieil habitué de la maison qui ne s'alarme pas quand Étienne fait remarquer que les clauses financières manquent de lisibilité et que pour ces raisons, les clauses financières peuvent être regardées comme abusives. Il ne s'alarme pas. Il connaît par cœur les pinaillages d'Étienne. Il a d'ailleurs pour lui de l'estime et c'est sur un ton goguenard, mais pas du tout agressif, comme on tient sa partie dans un numéro de duettiste bien rodé, qu'il répond que même si les clauses sont abusives, on s'en fout, parce que le contrat date de janvier 1998, l'assignation d'août 2000, le délai de forclusion est largement expiré, donc désolé monsieur le président, c'était un baroud d'honneur sympathique, mais la loi est la loi, on s'en tient là. Bien, dit Étienne, on s'en tient là. Jugement dans 2 mois. Plus il s'écrase en apparence, plus il jouit intérieurement. S'il ne tenait qu'à lui, il rendrait bien le jugement la semaine suivante, mais il faut faire comme si de rien n'était, observer le délai habituel. L'audience prend fin le vendredi à 6h du soir et le samedi matin, il est devant son ordinateur à la maison. Il rédige dans la fièvre et l'allégresse, il rit tout seul. Au bout de 2 heures, il a fini. Le jugement fait 14 pages, ce qui est inhabituellement long. Il appelle Juliette pour le lui lire à voix haute, et elle aussi, il la fait rire. On laisse reposer, on vérifie tout, on pèse et repèse chaque mot. C'est extrêmement technique, bien sûr, mais l'idée se résume simplement. Le jugement consiste à dire « Je ne peux pas rendre de jugement parce que la loi n'est pas claire. Et pour la clarifier, je dois poser une question à la CJCE. » Cette question, qu'on appelle une question préjudicielle, la voici. Est-il conforme à la directive européenne que le juge national, à l'expiration du délai de forclusion, ne puisse soulever d'office une clause abusive dans un contrat? Répondez-moi par oui ou par non, je jugerai en conséquence. 6 mois passent. Un matin d'avril 2001, arrive au tribunal une épaisse enveloppe à en tête de la CJCE. Étienne est seul à son bureau, mais il se fait violence. Il attend Juliette pour l'ouvrir. « Lis la première, dit Étienne. Tu es plus costaud que moi. » Juliette commence à lire. principe d'effectivité, compensation par le juge de l'ignorance d'une des parties, référence à l'arrêt de Barcelone. Elle lève la tête, sourit. C'est oui. Étienne double la mise en posant une seconde question préjudicielle. Sa question porte toujours sur l'office, c'est-à-dire sur le droit qu'a le juge de relever une injustice dont la victime ne s'est pas plainte, mais il l'aborde cette fois par un autre front. Un certain monsieur Giner remplace monsieur Fredou et la société ACEA, la société Cofidis. À ceci près, l'affaire est pratiquement la même. Étienne, à l'audience, fait observer que le taux effectif global, dit TEG, n'est pas mentionné dans l'offre de crédit, ce qu'il considère comme irrégulier. Personne, hormis Juliette, n'est au courant du succès de son premier aide. Personne ne se doute qu'il en prépare un second. L'avocat d'ACEA sort donc sans se méfier l'argument qu'il avait prévu de sortir dans le cas prévisible où le pinailleur pinaillerait. L'irrégularité, s'il y en a une, relève d'un ordre public de protection. Le juge n'a pas à s'en mêler. L'ordre public de protection, c'est encore une trouvaille de la Cour de cassation qui, depuis les années 70, le distingue de l'ordre public de direction. L'ordre public de protection ne concerne pas la société, seulement l'individu. C'est à celui-ci de faire valoir son droit, et le juge, qui représente la société, n'a donc pas lieu de s'y intéresser d'office. L'ordre public de direction, c'est autre chose. Il concerne l'intérêt général, et notamment l'organisation du marché. Sa violation peut et doit donc être relevée par le juge. Étienne trouve cette distinction débile. Il dit « C'est au nom de l'ordre public que j'accepte de remplir cette fonction extrêmement déplaisante qui consiste à incarcérer des gens. C'est au nom de l'ordre public que j'accepte de foutre en prison des bougnoules qui ont volé des autoradios. La justice est une chose violente. J'accepte cette violence, mais à condition que l'ordre qu'elle sert soit cohérent et indivisible. » J'estime qu'en protégeant M. Fredou et M. Giner, je protège la société tout entière. J'estime qu'il n'y a qu'un seul ordre public. Je demande donc à la CJCE, la mention du TEG est-elle là pour protéger l'emprunteur, ordre public de protection, ou pour organiser le marché, ordre public de direction? Comme la directive dit en toutes lettres « pour organiser le marché », ma question est en fait encore plus simple. Dites-moi si j'ai bien lu. Si j'ai bien lu, la jurisprudence de la Cour de casse n'a pas de sens. Étienne, avec le recul, trouve le jugement Fredou mal rédigé et même un peu spécieux. Le jugement Giner, en revanche, il en est très fier. C'est un objet juridique qui le ravit. D'abord parce que ce n'est pas un jugement de gauche. Étienne ne se voit pas du tout comme le dangereux gauchiste que dénoncent les avocats de la Cofidis. Il se définit comme social-démocrate, mais croit aux vertus de la concurrence. Ça ne rend que plus jouissif de prendre un établissement de crédit ultra-libéral à sa propre logique, avec un argument auquel pourrait souscrire Alain Minc. Surtout, il aime le style, le contraste entre l'énormité du problème posé, c'est quoi l'ordre public, et la fausse naïveté confondante, socratique, de la question qui le résout. Est-ce que j'ai bien lu ? Il aime cette façon simple et évidente de mettre dans le mille. Je le comprends. C'est ce que j'aime aussi dans mon travail. Quand c'est simple, évident, quand ça tombe juste. Et bien sûr, quand c'est efficace. Étienne a pu, avant de quitter son poste à Vienne, prononcer dans l'affaire Fredou la déchéance des intérêts dus à la société Cofidis. L'effet de leur combat, c'est que la loi sur la forclusion a été modifiée, l'office du juge élargi, et que les dettes de dizaines de milliers de pauvres gens s'en trouvent en toute légalité allégées. C'est moins spectaculaire que, disons, l'abolition de la peine de mort. C'est assez pour se dire qu'on a servi à quelque chose, et même qu'on a été de grands juges. C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère, adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Frédéric Pierrot, Étienne, Pauline Moulaine, Juliette, Laurence Mercier, Marie-Aude, René Renaud, Jacques. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Bastien Varigaud. À Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, François Christophe. D'autres vies que la mienne est paru aux éditions POL.